Deux ou trois heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre deux hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entrer dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme, à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en deux coups de couteau. En face de la blessée que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen, tenue par cinq ou six commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. J'eus grand-peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens !» dit Carmen, qui avait une langue. « Tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre, blessé du reproche, peut-être, parce qu'elle sentait véreuil sur l'article, lui répond qu'elle se connaissait par un balai, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne, ni fiel de Satan, mais que Mademoiselle Carmen Cita ferait bientôt connaissance avec son âne, quand Monsieur le Corrigidor, responsable de la justice, l'amènerait à la promenade avec deux laquais par derrière pour les moucher. « Eh bien moi, dit Carmen, je te ferai des abreuvoirs à mouches sur la joue, et je veux y peindre un damier. » Là-dessus, vilme, vlan, elle commence, avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure.